بسم الله الرحمن الرحيم. question piège. ها عندك يا عثمان. مرحبا واهلا بك. c'est une question piège pour toi. طيب. لما يقول الله عز وجل انه معنا. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est avec nous, est-ce qu'on doit le comprendre dans son sens apparent ou on doit obligatoirement le détourner de son sens apparent? C'est une question piège, n'est-ce pas? On doit le détourner de son sens apparent. Ah non, après le sens apparent, c'est que de base, c'est qu'il n'est pas avec nous physiquement, mais de par sa... Donc là, comment tu réponds à la question? On le prend selon son sens apparent. Ahsant. Lillahi darrak. Lillahi darrak, ya Asman. C'est une question piège. Yani, c'est pas le but de ce qu'on a vu la semaine dernière. C'est pas de comprendre que les versets qui évoquent la présence d'Allah avec nous, on les détourne de leur sens apparent. Non. Mais c'est déjà de bien comprendre quel est le sens apparent. Tu as des sectes qui pensent que le sens apparent du verset, c'est qu'Allah est présent avec nous, son être est présent à l'intérieur de sa création. Et ça, c'est complètement faux. Et ce n'est pas du tout le sens apparent du verset, des versets ou des hadiths. Bien au contraire, le sens apparent des versets ou des hadiths nous montre d'une manière claire que Allah subhanahu wa ta'ala est présent avec nous, avec sa science, avec sa capacité, avec sa suprématie, son autorité, sa vision, son ouïe et autres parmi les sens que recèle sa seigneurie. Fahimtum? طيب, on s'est arrêté où le dernier dars? Qui peut nous dire à quelle parole de... nous sommes... À 57. Ouais. طيب. On avait lu ça, je crois, jusqu'à... Pas 59 ou bien... qui se rappelle après ce qu'on était, où on avait lu. On avait lu la parole de Cheikh al-Islam, les versets. Non. Taïb. Adhannu wa sanna inda qawlihi. Fa'idha tabayyana dhalika. Fa'idha tabayyana dhalika. Qala al-muallif alayhi rahmatullah. Fa'idha tabayyana dhalika. علمنا أن مقتضى كونه تعالى مع عباده أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر شؤونهم فيحيي ويميت ويغفر ويغني ويفقر ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك من مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه لا يحجبه عن خلقه شيء ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة. Donc là, Cheikh Al-Uthaymeen, il te fait un bref résumé de ce qui a été dit précédemment en te disant que il est clair de ce qu'il en ressort, c'est-à-dire de ce qui ressort des versets, que la présence d'Allah Azzawajal avec ses serviteurs n'est autre que sa connaissance de leur situation, son audition. Il entend leurs paroles et il voit leur faire, peu importe où ils se trouvent, il voit leur faire. Et ils gèrent leurs affaires, peu importe où ils se trouvent. Il fait vivre et il fait mourir. Il enrichit et il appauvrit. Il donne la royauté à qui il veut, il l'enlève à qui il veut, il élève qui il veut, il rabaisse qui il veut et humilie qui il veut. Avec yani, tout autre attribut qui découle de sa seigneurie et la perfection de son autorité. Et celui dont les caractéristiques sont ainsi, il va de soi qu'on dise qu'il est avec sa créature, qu'il est avec sa créature d'une manière concrète et apparente, bien qu'il soit au-dessus d'eux, au-dessus de son trône. C'est-à-dire qu'il est avec eux par sa science, par sa capacité et autres. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة في العقيدة الوسطية ونسأل الله أن يوفقنا لتدريسه et qu'Allah nous facilite pour qu'on puisse après le livre dans lequel nous sommes étudier العقيدة الوسطية de شيخ الإسلام. نعم قال donc il dit شيخ الإسلام dans ce livre là et dans مجموع الفتاوى قال وكل وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه وتعالى من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. Donc Cheikh Al-Islam il te dit que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué en ce qui concerne le fait qu'il est au-dessus de son trône, hein, et qu'il est avec nous, ceci est une vérité. Ceci est une vérité et c'est à prendre d'une manière apparente, d'une manière réelle. Et on n'a nul besoin de transvaser le sens apparent de la chose. Cependant, on préserve le sens apparent de toute mauvaise pensée. C'est-à-dire le sens apparent qu'Allah est avec nous, c'est-à-dire Allah est avec nous par sa... par sa puissance, par sa capacité, par son ouïe, par sa vue, et on le préserve de toute mauvaise pensée, c'est-à-dire le fait de dire que Allah est dans sa création, il est avec nous, مثلاً, par son être dans la mosquée ou dans tel ou tel endroit. Ça, c'est totalement faux, et ça sous-entend une forme d'apostasie. طيب قال وقال في الفتاوى الحموية وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. Cheikh l'Islam il te dit que avec le Coran et la Sunna s'établit la guidée parfaite et la lumière pour celui qui médite sur les versets du Coran ainsi que sur la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam et qui a une bonne intention, qui lui ne veut qu'à travers cette méditation suivre le chemin de la vérité. Et il se détourne de toute forme de traduction ou d'interprétation qui change le sens de son sujet. Et de toute transgression en ce qui concerne les noms d'Allah et ses attributs. وَلَا يَحْسَبِ الْحَاسِبِ أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله جل جلاله وهو معكم وقوله عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك فإن هذا غلط. نعم. Et aucune personne ne doit penser qu'il y a dans le Coran des versets qui en contredisent d'autres. Hein? On ne doit pas penser qu'il y a dans le Coran des versets qui en contredisent d'autres. Par exemple, comme le fait de dire que les versets qui prouvent ou indiquent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus du trône sont contredits par les versets, par le sens apparent des versets où il dit « wa huwa ma'akum », où il dit « et il est avec vous ». Tamam. Ou le hadith où le prophète dit que celui qui si idha qama ahadukum ila salat, lorsque l'un d'entre vous se lève pour accomplir la prière, alors qu'il sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en face de son visage. Naam. Personne ne doit comprendre que cela contredit le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit au-dessus de sa création. Tamam. Car cela ne le contredit pas du tout. وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans ces versets, le verset 4 de surat le Fer, Al-Hadid, Allah subhanahu wa ta'ala a rassemblé, c'est-à-dire il a évoqué à la fois qu'il était au-dessus des cieux, au-dessus de son trône, établi au-dessus de son trône, et à la fois il est avec nous. Et à la fois il est avec nous. فَأَخْبَرَ أَنَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ. Donc il nous a informé qu'il est au-dessus du trône. C'est-à-dire, il connaît tous, il est au-dessus du trône par son être. Son être est au-dessus du trône et au-dessus de toute la création. Il sait tout il sait tout ce que l'on fait et il est avec nous, peu importe où l'on se trouve. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. Comme cela aussi est évoqué dans le hadith hadith al-aw'al, le hadith des distances, hein, les distances qu'il y a entre les cieux, chaque cieux. C'est un hadith de qui, Abu Abdillah? Hadith al-aw'al, man rawa wa man akhraja. وهل هو حديث صحيح أم ضعيف أم ماذا؟ عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. ها أيوة موقوف أو هو أثار عبد الله بن عباس. طيب عبد الله بن مسعود. نعم. وله حكم الرفع. أي نعم. والحديث من أخرجه؟ البياقي في الأسماء والصفات. نعم. والحديث صحيح؟ ها؟ صحيح يا هارون الحديث؟ صحيح ولا حسن؟ ها؟ أو حسن. الحديث حسن. نعم. طيب. قال دونك دونس حديث لا سان حديث عبد الله بن مسعود. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'Allah est au-dessus de son trône et il sait tout ce que vous faites. Et il sait tout ce que vous faites. Non. هذا هو المعتقد الصحيح. Et ça fait du bien de voir ce genre de leçons dans des moments comme les moments que nous vivons. Naam. Le fait de se rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous bi quwwatihi wa sam'ihi wa basarihi wa sultanihi wa qudratihi, tout ça c'est des choses qui donnent de la joie dans le cœur du musulman, peu importe la situation qu'il vit et peu importe les épreuves qu'il traverse. Il ne faut pas oublier qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Abu Bakr s'inquiétait pour lui. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين والله ثالثهما ها il a dit Abu Bakr, oh Abu Bakr, que penses-tu de deux personnes dont la troisième c'est Allah عز وجل وفي الآية لا تحزن إن الله معنا لا تحزن. Donc vraiment يا إخوان نحسكم بالثبات ونحسكم بالصبر ونحثكم بثقة وحسن الظن بالله عز وجل أن الله سيفرج عن المسلمين عاجلا غير آجل في هذا البلد وفي العالم كله لأن الله سبحانه وتعالى وعد في كتابه أن العاقبة للمتقين العاقبة للمتقين. Donc vraiment j'enjoins à la patience, la plus grande des patiences, et à penser du bien d'Allah عز وجل et à rivaliser de persévérance dans votre religion. Peu importe les événements que nous traversons, Allah subhanahu wa ta'ala a certes promis dans son noble livre que la bonne fin sera pour les vertueux. La bonne fin sera pour les vertueux.